السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيراكم لاباس؟ اهلا سي حمو. والله راني متوحش كاساتين ان شاء الله. والله العظيم كاسمش كشمطر كش. الله غفر اخويا. السلام عليكم ناس القاعدة، مرحبا بكم في الرونديفو ميوزيكال أبدو مادر. مرحبا ناس عنابة، الرونديفو دي لا ميوزيك فيزيون ألجيريان. صحيت ميمون؟ صحيت فايسل. تو دابور اون تيان تيكسكوزي مع لي زوديتور باسكو لا دنيير فوا اون لورا برومي باش نديرو اون ايميسيون لايف، مي مالوروزمون لومبلوا دي طون تاعنا فايسل ما يسمحلناش. وي ظروف خاصة خلتنا اليوم ما نقدروش نديرو اون ايميسيون لايف. سي با كراف، دونك سا سرا اون ايميسيون كي العادة انريجستري، مي ان شاء الله اون فا سراترابي لا سومين بروشان افيك اون ايميسيون لايف. مي بوف اون ايميسيون انريجستري سا فو با دير بلي مش نعجبو لا بون ميوزيك. او كونترير او كونترير، معناتها كاين دلا نوفوتي وبصح ما غير ما كانش لي كريتيك برك اون ديريكت موش لي كريتيك فيها دونك بلا ما نطولوا عليكم، راح نسمعوا نبداو بالبروغرام ميوزيكال تاعنا تاع اليوم. لو برومي جروب اللي خيرناهم، ان جروب اللي نحبوه بزاف نومي مون، سي لان دي برومي جروب دو روك الجيريان، سي لي بربر. Voilà, c'est le groupe Chewi, les Berbères, le groupe de Mbouaki, qui est formé en 79. واللي معروف بالشونتر تاعو الكاريزماتيك جو جمال، جمال صبري. فوالا لو ميك جيجر الجيريان كاريمون شبيلو صح كاريمون فوالا ويدير كيفو. دونك هما في 82 خرجوا كاسيتا بوبينا خرجوا بوبينا وحده، دونك حطوا فيها لي مورسو تاعهم كامل. وي كيما معروفين كيما البشطوله دارت سوكسي كبير. ولا امغار ثاني اللي عجبناه ديجا في ليميسيون تاع دا، ما نطولوش عليكم، خليكم تسمعوا نوتر شير جروب بربر شاوي ومبواقي كلش، خليكم مع لي بربر. Sun, Voilà, c'était le groupe Les Berbères, très belle chanson. Du bon pur rock, chaoui. Ça fait plaisir. Inch'Allah, on va essayer de nous faire un peu les Berbères. C'est normal, c'est normal. On va essayer de nous faire un peu. Oui. Donc, le prochain artiste, le prochain groupe, il y a une nouvelle émission, le Gada. Il y a une nouvelle musique. Je te dis un peu déjà. Donc, le prochain groupe, c'est Yassine, The Oriental Groove Ensemble. Oui, d'ailleurs, c'est un groupe algéro-espagnol, donc Algérie ou l'Espagne. Voilà, fondé par Yassine Belhassen, c'est le chanteur du groupe Cheb Bolovski. Cheb Bolovski, m'lahadi. Je ne sais pas, jamais de Cheb Bolovski. Qui m'a dit Big Lobovski, ça fait plaisir. Donc c'est un groupe qui dit une fusion, je suis à Beloud électrique, je suis à Kima Speed Caravan. Voilà, il a mis un virtuose de l'oud, Yanis Papayona, ou je ne sais pas comment ça se prononce, donc il a mis l'oud électrique. C'est une découverte, le Guinée a fait MySpace, on a décidé de partager avec vous. Fusion, faire un chouïa de la musique algérienne. Bien sûr, de la musique algérienne, andalous, rock, hip-hop, cool, une fusion, qui m'a l'habitude. خليكم ديكوفريو لو جروب ياسين اندي اورينتال جروف انسامبل Explosions de la història, tots els fronts brillen. Voilà, c'était Yassine and the Oriental Groove Ensemble, du bon rock, بالعود. بالعود, c'est du oud électrique, ou يشبه صح تاع مهدي حداب. Voilà, بالكش مهدي حداب اللي يشبه الهاد. بالك. Voilà, donc, راح نسمعوا le prochain artiste, un artiste اللي جبناه ديجا, c'est Mustapha MB. Oui, Mustapha MB, اللي كان ex-group أحلام. مليح هذا قد نجيبو غير في الجروب ملاح قبيله الشاب بولوفسكي دوك الشاب الجروب احلام صافي بليزير فوالا كيما قلت فيصل كان يلعب هو ستان كونستانتينوا يلعب كان يلعب بالمالوف ومن بعد راح لفرنسا ودورها ان بو الكتريك وي داير سي ان بون ريبرتوار عربو اندلس مالوف شويه شعبي وقناوي فوالا ودركا دخل فيها الجروف ولا شويه جروفي افيك دي سونوريتي جاز فانك ريغي افرو بيت ان توكا اون فيوجن كيما نحبوها ثاني في mission oui. regarde le groupe créé à Fitrois en France mais في بلاد فرنسا voilà par Mustapha MB parce que اسمه Mustapha مسعود بوناب كما قلت قبيله il est originaire de Constantine il fait de la très très bonne musique جابوه عملوا في فيستيفال ديما جاز وي جيسبر نزيدو نشوفوه هنا في عنابه voilà نخليكم تعاودوا تسمعوا مسيو Mustapha MB في لا شونسون بابا بحبي C'était Mustapha Mesoud Bounab avec Baba Bahri. Voilà, du Malouf, du Chabi, du Andalous moderne. Du Groovy surtout. Voilà, le prochain groupe, les gens s'aiment. C'est les Pink Floyd Made in Algeria. Voilà, c'est bien dit, c'est le groupe T34. Oui, avec l'une des premières formations de rock algérien les années 80, début des années 80. Voilà, Fouislah, il y a eu l'asmum T34. T34, parce que c'était une bande d'étudiants de la fac, jusqu'à la cité universitaire, le pavillon T, chambre 34. Voilà, tout simplement. Donc, ils ont décidé, parce qu'ils s'aiment Rouham T34. Donc, T34 rejoint seul l'album 89, Chines. شيناس اللي عمل له سوكسي كبير عند في الجزائري كانت تعدي كليب في بلاد ميوزيك في لا تيليفزيون فوالا حنا على بالنا درك بلي راهم يبريباريو في نوفيل البوم اللي طول ما حبش يخرج دونك اون لانونسي دوبوي لونتون فوالا وجبنا ديجا ميم ان تيتر انيديم للالبوم اللي راح يخرج مي جو سي با بالك تلقاو دي ديفيكولتي باش يخرجوا في لابيل ولا في لا ديستريبيوسيون اون توكا نخليوكم تسمعوا لو جروب تي 34 في لا شانسون شحال Rock ou Dima Rock, avec le groupe T34. Voilà, la chanson Chhal, très rock. Tu penses que tu fais avec Kiss, le groupe Kiss. Oui, Kiss, oui. Donc le prochain groupe est pas le moindre, je couche mon groupe. C'est le meilleur groupe du monde. Tout simplement, voilà. Donc Nasli Morfinis Moel Gada ou le Yarfou, je couche le meilleur groupe du monde. Oui. C'est tout simplement c'est Tinari One. Tinari One les Sahari. J'ai pas compris. Sahari, c'est Ismom Sahari. Ah oui, c'est un site Billy Faisal qui t'a marché. Voilà. Faisal, c'est le traducteur officiel de la langue tamashq lana fi Anaba, c'est vrai, ça veut dire Sahari. Donc le groupe Tinari One, les gens qui mazalou ma yarfouhomch, donc formé les années début des années 80. Oui, c'est les fondateurs de la nouvelle la nouvelle musique twerg, le tishoumern, un nouveau genre. Voilà, خرجوا leur premier album de Radio Tistas Session ou s'ils jouent في المالي, qui m'a gonna l'énergie solaire. الطاقه الشمسيه, ça fait plaisir, شغل un album écologique. Oui. Voilà, album écologique, le deuxième album c'était Amasa Cool, le troisième album Amaniman. Ou le dernier c'est... Le dernier, les Jibna Menno, un titre en exclusivité pour l'émission Gada. C'est l'album Imedi One. Voilà, Tinari One, on a eu la chance ou le plaisir de chauffer ma fille en rast. Ou même d'une interview, une interview en exclusivité. Oui. Mais moi, je suis Abraham, Abdallah. Donc, on va écouter le meilleur groupe du monde qui m'appelle Faisal Tinari One. Alors, on a choisi une chanson qui a en hommage à Monsieur Manu Dayak. Manu Dayak, c'est un chef de la rébellion Touareg. Oui. Voilà, c'est le leader de la CRA, la coordination de la résistance armée. Donc, il est de Niger. Où malheureusement il est en 95, il est mort tragiquement fait un crash d'avion. Maintenant il a une légende vivante la région Twerg Kamel, d'ailleurs c'est même eux-mêmes l'aéroport à Agadez. Donc Tinari One, ils ont fait un hommage à ce grand monsieur Manu Dayak. Nous allons écouter la chanson Hadi. La chanson Hadi, je vais la dédier le Sab. Voilà, ça une chanson Tinari One pour Sab. Tener edad, no fue el dibujo. Tener edad. C'était le groupe Tinariwen avec la chanson en hommage le grand monsieur Manu Dayak. Donc, avant de passer le prochain artiste, je voulais remercier les gens qui nous ont envoyé sur Facebook ou MySpace qui nous encouragent. Nous allons vous rappeler comment faire les adresses. Donc, c'est le groupe Tana qui fait l'émission Gada sur Radio Annaba sur Facebook. Voilà, ça nous fait plaisir. Donc, qu'il y ait des gens qui nous aiment, qu'il y ait des commentaires positifs ou des commentaires négatifs. En tout cas, il y a beaucoup de commentaires, donc c'est bien, c'est positif. Voilà, donc inchallah la prochaine fois ça sera une émission live, donc vous aurez l'occasion de critiquer en direct. Ou là ils peuvent même nous quotidiennement, là il a son téléphone, il est là pour ça, donc je vois pas de qui tu parles, mais je connais pas ça il va t'affaire, non je connais pas cette Leila. Donc اليوم معنا نجلا في la technique, c'est la première fois qu'on est avec la salut. Donc, je voulais juste rectifier un truc. Les gounnes la semaine dernière, c'est concernant Cheikh Sidi Bémol. On a annoncé le concert à Ofi Constantine le 7 mai. Alors que Houa Mchou le 7, c'est le 6. Voilà, le 6 mai, ça, il sera à Constantine. Le 7 mai, il va être à Bjaïa. Donc, il va aller à Bjaïa. Oui, avec la région de Skikda, il préfère aller à Bjaïa que Constantine. C'est un acher, non? Ou la c'est un acher, même, je crois. Je ne sais pas, ça dépend. J'espère. Donc, d'après les informations qu'on a eues, c'est Cheikh Sidi Bémol, il va être à CCF à Constantine. J'espère que Yikfi. Parce que Ram Jayin, Rashi, Jayin, من عنابة, من قلما, من سكيكدار, من قسنطينة. Parce que c'est la première fois que le Cheikh Sidi Bémol va faire un concert في الشرق. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir. Et on va essayer, en exclusivité, on va faire une interview avec le Cheikh Sidi Bémol. En tout cas, c'est ce que nous a promis le producteur Théo. Oui, donc, tu penses que la date, c'est le 6 mai, في قسنطينة. Voilà, ça sera la soirée, بالك 8h, 21h, اللي يقدر يروح, pourquoi pas. C'est un concert à ne pas rater. Cheikh Sidi Bémol à Constantine, voilà, pour. باش يسامحنا الشيخ Sidi Bémol qui m'a غلطنا له في la date. On a décidé, باش نعاودو نسمعوه اليوم تاني, donc. Oui, c'est une nouvelle occasion de remettre de la belle musique de Cheikh Chioha. Voilà, il est en train de faire la tournée pour promouvoir son dernier album, qui sort dernièrement en mars. Oui, l'album qui s'appelle Paris Alger Bouzgan. Voilà, c'est un album qui s'est écouté, il chante beaucoup en kabyle. Oui, il a mis des titres en exclusivité. Il a mis trois titres en exclusivité. ما نطولوش عليكم خليكم تسمعوا الشيخ سيدي بيمول avec la chanson La faute ديالي. La faute ديالي راي وحبالي. La faute ديالي راي وحبالي. We'll be right back. Voilà, c'était la faute d'Yel Cheikh Sidi Bémal. Voilà, moi, je t'arrive que c'est une faute. C'est déjà ça. Donc, c'était Cheikh Sidi Bémal. On a donc fait croire que c'est le 6 mai, Inch'Allah, il sera à Constantine. Rendez-vous à ne pas manquer. En tout cas, nous faisons, Inch'Allah. Inch'Allah, on va. Inch'Allah, j'ai voulu comme interview avec Cheikh Sheikha. Inch'Allah. Donc, voilà, on a déjà la fin de l'émission. On va passer la dernière chanson de l'émission de l'Algana de l'Yom. Comme on a l'habitude de le faire, نروحوا شويه للوست نخرجوا كريمون من الحدود الجزائريه عند نو فوازان لي ماروكان. Voilà, monsieur Saïd Misnaoui. Donc c'est un معلم تاع القنبري هو. Donc ولد في المغرب في une famille musicienne. Oui, d'ailleurs il a eu la chance en étant très jeune d'étalem la musique تقناوه مع un grand معلم. Voilà, l'initiaire, la musique gnawa, la musique de la trance. Mais le style gnawi de Saïd Msnaoui, parce que fusionné avec des musiques jazz, reggae, blues, rock. Donc, nous avons fait la trance. Voilà, nous avons fait la trance, vous avez fait la technique. Donc, en tout cas, c'est une très très belle fusion gnawi jazz fusion. Il a intégré un groupe connu au Maroc, Gilles Riwen, dans les années 70. Voilà, Gilles Riwen. Riwen, un groupe très connu, qui m'a dit. Le groupe Kam, ils ont eu des problèmes au Maroc à cause de la censure. Et d'ailleurs, ils étaient en prison plus de 3 fois. ça fait plaisir, les musiciens. Donc, le 86, ils ont été à Montréal, où ils ont entamé une carrière solo. Oui, ils ont été en son premier album en 1997, qui s'appelle La Montagne. Voilà, l'année suivante, Saïd Msnaoui a tenté sa chance à Paris. Où il a fondé son groupe Gnawa, oui, avec le guitariste Patrick Casti. En 2006, il est à Montréal. Voilà, il est à Montréal, il a fait des albums. En tout cas, ça marche très bien pour lui. Il fait de la très bonne fusion gnawi. Oui, de la fusion gnawi, du jazz ou rock ou groove. Donc, c'est de la bonne musique. Voilà, d'ailleurs, on a décidé que nous allons l'émission de l'Algada. On vous remercie d'être au rendez-vous. On vous a promis une émission live, mais la galbe qui m'a dit d'orof. Oui, d'orof. Donc, l'émission live, Inch'Allah, pour la semaine prochaine. Voilà, on va essayer de la semaine prochaine. Sinon, on a qui l'a chaque samedi à 6h avec le Gada, nous avons de la bonne musique. Donc merci d'être au rendez-vous chaque samedi. On ne sait pas le Gada sur l'internet, déjà le groupe Facebook ou Tani. Voilà, sinon on remercie Tani les auditeurs de Radio Hachicha, les Andorka carrément podcast dédié à l'émission le Gada. Oui, d'ailleurs on remercie Sam Lebel qui a mis la radio. Voilà, Sam Lebel de dit Hachicha, voilà. Donc il est très gentil avec nous. On écoute beaucoup Radio Hachicha. On incite tout le monde à aller sur l'internet, c'est www.radiohachicha.com. Voilà. Radio Hachicha, la première radio internet en Algérie. Et tu trouves bien sûr le podcast Al-Gada, donc les qui veulent l'écouter. Donc merci Radio Hachicha, on salue les auditeurs de Radio Hachicha. Voilà, خليكم مع سعيد مسناوي باش نكملوا القعده تاع اليوم avec la chanson داوي نعم. على الاخر نقول لكم سلام من القعده ومن الناس على النبا. I'm بابا جناوي سيدي جناوي بابا جناوي